Bonjour à tous et merci de nous rejoindre cet après-midi sur les ondes de Radio Gemozo. Je m'appelle Pia et sont assis à mes côtés les autres membres du jury du Prix Ado organisé par la médiathèque de la Porte des Vosges Méridionales. Depuis le mois de janvier, nous avons lu les 5 romans sélectionnés par les bibliothécaires. Nous avons aussi participé à 4 rencontres qui se sont déroulées les samedis matins à la médiathèque. Au cours de ces rendez-vous, nous avons pu échanger nos points de vue, participer à des ateliers d'écriture et à des ateliers théâtre animés par Christian Thiriot. Les 5 romans sélectionnés cette année étaient Le dossier Handel de David Moitet, Le renard et la couronne de Yann Fastier, Le petit prince de Harlem de Michael Thévenot, Des feuilles et des branches de Julia Billet et Rhizome de Nadia Coste. Pas moins de 1415 pages que nous avons tous dévorées. Le 4 mai dernier, nous avons élu notre roman préféré et c'est Le dossier Handel de David Moitet qui a remporté le plus grand nombre de votes. Grâce à Radio Gemozo, nous allons pouvoir maintenant interviewer les auteurs par téléphone et leur poser des questions sur leur roman et leur métier d'écrivain. Pour ce 4e rendez-vous, nous avons le plaisir de discuter avec Julia Billet, l'auteur du roman intitulé « Des feuilles et des branches » publié aux éditions Le Calico. C'est l'histoire de Tala, le jeune garçon a dû quitter son pays en guerre et s'est réfugié en France avec pour seul bagage un livre de poésie. C'est aussi l'histoire d'Ilana, une jeune fille différente parce qu'elle tangue légèrement et surtout parce qu'elle se prend pour un arbre. Il ne parle pas français, elle n'aime pas parler. Alors, ils vont se taire, s'asseoir, ouvrir un cahier pour y dessiner à 4 mains leur histoire et se raconter leurs secrets et apprendre à se connaître. Bonjour Julia Billet. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Votre roman nous a beaucoup plu et nous sommes très heureux de vous avoir cet après-midi avec nous au téléphone pour en parler. Pour commencer, nous allons faire un petit tour de table. Je suis Mallory, je participe au Prix Ado et je suis entourée des membres du jury qui vont se présenter. Je m'appelle Inès et j'ai 13 ans. Je m'appelle Sabrina et j'ai 12 ans et demi. Je m'appelle Luca, j'ai 12 ans. Je m'appelle Léane et j'ai 14 ans. Je m'appelle Pia, j'ai 15 ans. Je m'appelle Emma et j'ai 15 ans. Bonjour à vous. Bonjour Julia Billet. Pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours ? Alors, mon parcours, j'ai deux métiers. Je suis à la fois autrice, donc j'écris des romans, des bandes dessinées, des albums pour les enfants, des livres pour les adultes aussi, des nouvelles. Donc depuis très longtemps, en fait, j'ai toujours eu deux métiers. Mais tout ce que j'ai pu faire dans ma vie était toujours en lien avec l'écriture. Donc par exemple, j'ai eu d'autres métiers avant d'avoir celui dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai animé beaucoup d'ateliers d'écriture dans des entreprises, dans des prisons, dans des hôpitaux. J'ai fait des formations sur les écrits professionnels dans des grosses entreprises. J'ai fait du suivi de mémoire universitaire. Et aujourd'hui, en fait, depuis 8 ans maintenant, je suis enseignante aux Beaux-Arts, donc à l'ESAL d'Épinal, où je fais écrire des étudiants. Donc en fait, j'ai deux métiers, mais les deux sont intimement liés à l'écriture. Et autrement, si je veux repartir beaucoup plus loin, j'ai fait des études en littérature parce que j'aimais lire et que j'avais imaginé que c'était vraiment là où je serais le plus à même de lire et de découvrir des livres et d'écrire des textes. Depuis combien de temps écrivez-vous ? Alors, je suis publiée depuis 21 ans, mais j'écris depuis bien plus longtemps, puisque enfant, j'avais déjà un rapport à l'écriture. Quand j'avais votre âge, j'avais mon journal intime, j'écrivais beaucoup de lettres, et puis j'écrivais des histoires, de la poésie, des chansons. Voilà, mais on va dire que pour ce qui est de la publication, ça fait 21 ans. Comment vous est venue l'idée d'écrire cette histoire ? Cette rencontre entre deux enfants atypiques, un jeune migrant et une jeune fille autiste. Alors moi je suis très impliquée dans ce qui se passe en ce moment, dans le sens où je trouve assez terrifiant le fait que des gens arrivent en France, des gens qui sont en danger de mort dans leur pays, pour des raisons qui peuvent être multiples, hein, puisque c'est la guerre, parce qu'ils sont contre le régime, ils sont opposés au régime, parce qu'ils sont homosexuels, parce que pour multiples raisons. Plein de gens sont obligés de quitter leur pays et viennent demander des refuges dans des pays où on peut les accueillir parce qu'on n'est pas des pays en guerre. Et quand je vois comment on traite les gens aujourd'hui qui arrivent en France, je suis assez effarée. Ce qui fait que je suis bénévole dans une association où j'essaie de d'aider comme je peux des gens qui arrivent en France en donnant des cours de français, en aidant à rédiger des dossiers pour qu'ils demandent des papiers officiels, etc. Donc je suis touchée par par toute cette question de la migration. Donc voilà ce qui fait que sans doute mon personnage, ce jeune homme, hein, qui est bien sûr un personnage que j'ai inventé, mais il vient un peu puiser peut-être dans l'histoire de plusieurs personnes que j'ai rencontrées. Quant à la jeune fille, peut-être que elle est venue un peu de façon évidente, je crois. Elle était aussi un peu différente et elle avait aussi une autre relation à la langue. Et c'est ce qui fait que le fait que tous les deux soient différents, c'est ce qui fait qu'ils vont se rencontrer, qu'ils vont pouvoir se rencontrer. Mmh. Et justement, autrement que par la langue. Enfin, voilà, donc je sais pas pourquoi particulièrement ce personnage de fille, mais c'est oui, voilà, elle est arrivée comme si c'était une évidence qu'ils se rencontrent. Tala et Ilana communiquent entre eux grâce au dessin. Des dessins qui illustrent le texte. Donc, comment s'est passée votre collaboration avec l'illustratrice Manon Ficus? Alors, en fait, il se trouve que Manon, il y a quelques années, a été étudiante à Épinal. Donc, je l'ai eue comme étudiante. Maintenant, elle est partie depuis plusieurs années. Et en fait, quand j'ai écrit ce texte, je me suis souvenue d'une expérience qu'elle avait faite quand elle était étudiante. En fait, elle avait rencontré des jeunes étrangers sur Épinal. Et comme ils n'arrivaient pas à communiquer, ils avaient échangé des dessins. Et du coup, quand j'ai écrit cette histoire, je me suis dit, mais c'est Manon, il faut absolument que je demande à Manon si elle veut bien travailler avec moi là-dessus. Donc j'ai demandé à mon éditeur, qui a été partant tout de suite, parce que c'est pas évident, un roman qui va être comme ça, illustré par des dessins. C'est en général, c'est plutôt pour les albums qu'on fait des dessins, mais il a été partant. Donc j'ai appelé Manon, elle a été aussi très enthousiaste et en fait elle a travaillé sur ses feuillets au fur et à mesure que je suis envoyée le texte et elle a travaillé un peu sur ses carnets à partir du texte et puis après en donnant aussi un peu de liberté quand même sur ses carnets. Voilà. Mmh. Et alors la particularité c'est que je lui avais dit par contre il faut bien qu'on dissocie les dessins, que ce soit pas qu'on n'ait pas les mêmes dessins pour les deux personnages. En lui disant, elle est peut-être un peu plus jeune, un peu plus maladroite, lui un peu plus âgé qu'elle. Et donc, en fait, elle a trouvé un moyen. Elle a dessiné de la main droite, elle est droitière, pour l'un et de la main gauche pour l'autre. Ce qui donne des dessins un peu plus enfantins de la main gauche pour Ilana. Pourquoi avoir choisi les arbres et la nature pour rapprocher les personnages? Parce que je pense que c'est peut-être ce qui peut nous rapprocher tous, qu'on soit de milieux sociaux différents, de cultures différentes, de ce qu'on a quand même en commun, c'est la terre, c'est les arbres, c'est le ciel, c'est voilà. Donc je crois que c'est là qu'ils pouvaient se retrouver. C'était pas dans la classe, c'était pas dans la société, c'était dans un endroit où c'est la nature qui gagne, quoi, enfin qui est là, qui est présente, qui nous permet peut-être d'être présents nous aussi, et de partager, quoi. Forcément, on partage ça. La tendresse qui lie Tala et Ilana au fil des pages est très touchante. Mais pourquoi avoir transformé la complicité des personnages en histoire d'amour et pas uniquement en amitié? C'est une histoire... parce que quand même, un adolescent et une adolescente qui se rencontrent, ils peuvent s'aimer aussi, hein. Ils peuvent rester amis et ils peuvent s'aimer. Tout est possible. Mais pourquoi pas l'amour, hein? Parce que je pense que elle c'est quand même une fille qui a du mal à communiquer, hein, donc c'est quand même quelqu'un qui est coupé du monde, des autres, et enfin trouver un garçon qui est à l'écoute, qui partage avec elle, moi il me semble que c'est pas étonnant qu'elle tombe amoureuse, quoi. Quant à lui, c'est quand même la première personne avec qui il a vraiment pu raconter son histoire. Donc ça aussi, est-ce que quand on a 15, 17 ans et qu'on rencontre quelqu'un avec qui on se sent vraiment bien, est-ce qu'on peut tomber amoureux, quoi? Quel message voudriez-vous qu'on retienne de leur histoire? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un message ou si c'est que même là où on pense que tout est impossible parce qu'il n'y a pas la langue, parce qu'on est différent, mais en fait, tout est possible si on s'entend, si on s'écoute, si on partage. Si... Voilà, je ne sais pas si c'est un message, mais je pense que c'est en tout cas ce que ça vient un peu raconter. Il y a une citation de Paul Verlaine qui dit « Voici des fruits, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. » Est-ce que cette citation a un rapport avec le titre de votre roman ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Comme la poésie a une grande place dans le roman, bah, ce titre-là, c'était un vers, effectivement, d'un poème. Donc, c'est en vérité mon éditeur qui a eu cette idée, parce que je trouvais pas de titre qui me convenait vraiment. J'avais du mal à trouver un titre. Et il a eu cette idée, et j'ai trouvé que c'était une magnifique idée, parce que ça venait entrer dans le livre en poésie. Voilà, donc... Non, c'est pas du tout un hasard. C'est bien que vous les affairez. Votre description de la Syrie semble juste. Êtes-vous déjà allé là-bas? Non, jamais. Non, mais bien sûr, j'ai regardé beaucoup de documentaires, j'ai lu des choses et voilà. Que pensez-vous de la politique migratoire française? Eh bien, je suis catastrophée par le fait que, justement, la politique migratoire amène plutôt les gens à repartir plutôt qu'accueillir des gens. Il y a des endroits, il y a des villages, par exemple en France, où il y a des gens qui ont été accueillis à bras ouverts et qui sont extrêmement bien intégrés, qui ont pu mettre leurs enfants à l'école, ça a empêché des écoles de fermer même parfois. Et voilà, et c'est possible quoi. Je sais que c'est possible, mais la politique, elle mène pas à ça, elle mène à faire croire qu'on est envahi, alors qu'on n'est pas du tout envahi par des étrangers. Hein. Il y a toujours des étrangers qui... Les pays ont toujours été faits de passage, d'immigration. Enfin, la France, elle a été construite comme ça et elle continuera à se construire comme ça. C'est un pays qui se referme sur lui-même et qui ne veut pas d'étrangers. C'est un pays qui va se refermer sur lui-même et c'est jamais bon de se refermer sur soi-même. Donc je suis absolument scandalisée par la politique migratoire qui vise à maltraiter les gens, à ne pas considérer que ce sont des gens qui sont en danger de mort pour un certain nombre et que de les renvoyer dans leur pays, même si on renvoie des gens à la mort, pour moi c'est incompréhensible. Et je pense qu'il y a largement la place en France et que des gens jeunes qui arrivent, des familles qui arrivent avec des enfants, ça amène aussi des créations de travail. Quand il y a plus de gens dans un village, et ben il y a besoin d'un boulanger. Et puis quand il y a un boulanger, ben après il y a un boucher qui s'installe. Et puis c'est comme ça que les villages aussi restent vivants. C'est comme ça que qu'on partage, qu'on échange, qu'on fait des rencontres, qu'on découvre de nouvelles nourritures, de nouvelles façons de penser. Et puis ça peut que nous enrichir, les uns et les autres. Et avec votre éditeur, comment se déroule la collaboration? Alors, mon éditeur, donc, qui est éditeur du Calico, qui s'appelle Éric Denel, c'est quelqu'un qui est extrêmement ouvert, donc on a eu de beaux échanges, j'ai envoyé le texte, il m'a fait des retours sur mon texte, j'ai retravaillé. C'est quelqu'un d'exigeant et c'est très agréable de travailler avec un éditeur exigeant parce que ça permet aussi d'aller au bout de soi-même, de faire un travail plus juste. Voilà, donc c'est quelqu'un avec qui j'ai une très belle relation et qui c'est facile de travailler et agréable. Avez-vous des projets d'écriture en cours et de quoi avez-vous envie de parler dans votre prochain roman pour ados? Alors là, je termine un roman pour ados qui raconte l'histoire d'une jeune femme après la guerre. Donc en fait, c'est une héroïne dont j'ai déjà écrit un bout d'histoire dans un livre qui s'appelle La guerre de Catherine. Et donc là, cette jeune fille qui devient jeune femme va devenir reporter après la guerre. Donc c'est un peu l'histoire de cette jeune femme qui va faire de la photo, qui va aussi se heurter au monde du travail en étant une femme à une époque où c'est pas très facile. Voilà, qui va parler aussi de plein de choses qui se passent dans les années 50, du féminisme, entre autres. Donc voilà, ça c'est un travail que je suis en train de terminer. Et puis je vais sortir aussi un album jeunesse pour les enfants autour de l'environnement, aux éditions du Pourquoi Pas. C'est une petite maison d'édition très très belle qui est dans les Vosges. Et voilà, j'ai d'autres projets. J'ai un autre projet de bande dessinée qui va se passer pour les grands ados, qui va se passer en Guyane avec les orpailleurs, les chercheurs d'or. Voilà, enfin, j'ai plein de choses en route. J'ai aussi un pop-up qui va bientôt sortir aussi. Voilà, des choses assez différentes. Merci Julia Billet. L'interview s'achève sur cette dernière question. Nous sommes très heureux d'avoir pu échanger avec vous autour de votre roman, dont je rappelle le titre « Des feuilles et des branches » publié aux éditions Le Calico. On ne peut que conseiller aux auditeurs ce magnifique roman qui aborde d'une manière poétique des sujets actuels comme les migrants, la guerre, la différence et la tolérance. Un roman à lire dès 11 ans est disponible bien évidemment à la médiathèque et dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup de ce moment avec vous. Nous donnons rendez-vous aux auditeurs la semaine prochaine dès 14h pour écouter la dernière interview. Nous aurons le plaisir d'être avec Nadia Coste qui a écrit Rizzo. Merci, au revoir. Merci.